Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Donc, le mois de novembre, comme je le disais, c'est reconnu comme étant le mois des morts. Et notre chroniqueuse nutrition, Karine Gravel, s'est intéressée aux choix alimentaires des gens lors de leur dernier repas, c'est-à-dire avant de mourir. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Drôle de sujet que tu nous as trouvé là. Oui, c'est de loin ma chronique la plus macabre. Hein. C'est pas dans mes habitudes, mais c'était justement une bonne occasion là, de vous parler en même temps de mort et d'alimentation. Donc, actuellement, il existe une fascination plutôt étrange dans certains médias américains. Donc, c'est de s'imaginer de quoi serait constitué son dernier repas si on devait mourir. Donc, on en parle dans certains journaux, des émissions de radio, des livres, des films et même dans des articles scientifiques. Oui, alors ça, c'est vraiment surprenant, ça. Donc, il y a des données scientifiques en lien avec le dernier repas. Oui, oui. Donc, dans les 33 États américains qui appliquent la peine de mort, c'est la routine dans les rapports d'exécution des condamnés à mort de documenter leur dernier repas. Donc, pour la première fois, des chercheurs américains se sont intéressés au contenu de ces rapports. Donc, dans le but de mieux comprendre les choix alimentaires qui sont faits lorsqu'on sait que, de toute façon, on va mourir bientôt. Donc, dans le cas d'une exécution, c'est une condition qui est extrême, hein, puis ça se traduit par des changements dans les comportements alimentaires. Du coup, on se dit, c'est plus la peine de se priver, je m'autorise tout ce que je veux, peut-être. Peut-être. Et alors, qu'est-ce que révèle l'analyse du contenu de ces rapports? Mais en comparant les demandes alimentaires des condamnés avec les recommandations alimentaires américaines, les chercheurs ont fait trois constats principaux. Donc, d'abord, le premier constat, c'est que le dernier repas contient beaucoup trop de calories. Donc, une moyenne d'environ 2800 calories pour un seul repas, alors que bien des gens ne mangent pas autant de calories là, pour une journée complète. Ben, c'est ça! Ensuite, le deuxième constat, c'est que les demandes les plus fréquentes sont également très denses en calories, comme par exemple, 80% des condamnés ont demandé de la viande, 68% d'entre eux ont demandé des aliments frits, 66% ont demandé des desserts et 60% des boissons gazeuses. Pas très diététique. Non, ben c'est ça, c'est dense en calories. En comparaison, il y a seulement 6% d'entre eux qui ont demandé des fruits et 5% ont demandé des œufs. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur. Et le troisième constat, c'est que 40% des condamnés demandent des marques précises d'aliments ou de boissons, comme par exemple de la crème glacée Ben & Jerry's ou du poulet frit Kentucky. Et est-ce que tu as des exemples de repas, de menus qu'on demandé les condamnés? Oui, j'ai des exemples de repas riches en calories provenant du Texas et de l'Ohio. Donc, dans le premier cas, pour le Texas, et comme repas principal, donc, le condamné à mort a demandé, tenez-vous bien, deux beefsteaks de faux filet de 16 onces, une livre de poitrine de dinde tranchée, 12 tranches de bacon et deux hamburgers avec la mayonnaise, en plus de 4 boissons gazeuses. Et ça, c'est pas tout. Donc, en accompagnement, on ajoute deux pommes de terre au four avec du beurre, des oignons et de la ciboulette, une salade du chef avec de la vinaigrette au fromage bleu et deux épis de maïs. Et il y a même un dessert, hein, un contenant de crème glacée à la menthe avec des pépites de chocolat. Ouais, effectivement, c'est un gros repas. Oui. Et donc, tout ça, ça c'était le condamné du Texas. Oui. Tu avais un autre exemple de l'Ohio? Oui, oui. Pour celui-là, le repas principal était constitué d'un filet mignon et d'une poitrine de poulet frit, accompagné de champignons sautés, d'une salade de brocoli, d'une salade verte avec vinaigrette française, du chou vert, des rondelles d'oignon, du fromage et un coco cerise. Et puis, le dessert, c'était de la tarte avec de la crème fouettée et aussi de la crème glacée au pacane et au beurre. Donc, voilà pour ça. Donc, dans les deux cas, donc autant pour le repas riche en calories du Texas que celui de l'Ohio, le contenu en calories du repas avoisine les 7200 calories. 7200 en un repas. Ce qui représente là, plus de trois fois la recommandation quotidienne en calories pour un Américain d'âge moyen. Oui, mais c'est énorme. Mais est-ce qu'on sait finalement si... bon, parce que c'est ce qu'ils ont demandé, mais est-ce qu'ils ont réussi à tout manger? Ben, c'est d'ailleurs une des limites de l'étude. Donc, les aliments puis les quantités mentionnées représentent ce qui a été demandé par les condamnés à mort, pas ce qui a été consommé réellement. Donc, les rapports de consommation alimentaire, là, c'est-à-dire le poids de la nourriture demandée, moins ce qui est resté dans l'assiette, c'est pas accessible au public. Donc, en raison de cette limite-là, ben, ce serait justement raisonnable de s'attendre là, à une différence entre ce qui a été demandé et la consommation réelle. Bon, puis là, tu nous as donné deux exemples de deux condamnés à mort, mais c'est peut-être pas... Ils agissent peut-être pas tous comme ça. Est-ce que tous les condamnés à mort, Est-ce que ce sont tous les condamnés à mort qui mangent autant comme ça avant de mourir? Bien, c'est une question intéressante parce que moi, personnellement, je ne suis pas certaine que j'aurais faim. Donc, parmi les 247 rapports d'exécution disponibles, il y a 51 condamnés qui ont refusé de manger, ce qui représente environ 20 % de l'échantillon. Et plutôt, ben, j'ai présenté les exemples extrêmes hein, avec des quantités astronomiques d'aliments, mais à l'inverse, le condamné à mort qui a le moins mangé a demandé une seule olive dénoyautée. C'est très étrange. Curieux, hein? Oui, tout à fait. C'est parce que c'est un goût particulier. Puis en plus, il faut bien préciser qu'elle est dénoyautée. Oui. C'était mentionné dans l'article. On peut se poser aussi la question, est-ce que tous les aliments sont permis avant une exécution? Parce qu'il pourrait y avoir une interférence après avec ce qui vient à la suite, c'est-à-dire l'injection létale. Il pourrait y avoir des aliments qui ne sont pas favorables. Mais en fait, ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est que l'alcool est interdit. Et pour le reste, le budget du dernier repas est généralement limité à 40 $, mais ça dépend des institutions carcérales. Mais les chercheurs là n'ont pas mentionné là, de détails à ce propos-là. D'accord. Est-ce que c'est le stress de savoir qu'on va mourir qui fait augmenter la consommation alimentaire d'après toi? Ben possiblement, ben du moins pour certaines personnes, puisque les chercheurs apportent aussi des données de consommation alimentaire suite à l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. Donc plusieurs semaines après l'attaque, il y a une partie de la population de Manhattan et des États-Unis qui a rapporté un gain de poids et une consommation plus élevée de calories. Donc, en réponse à un événement extrême, rare ou imprévisible, comme une catastrophe, la consommation alimentaire tend à augmenter. Donc, les résultats de cette étude-là permettent de faire des liens avec les choix alimentaires qui sont faits par les personnes qui vivent des situations tragiques ou très stressantes. Et est-ce qu'on peut justement penser que le fait de demander des aliments riches en calories et sucrés, finalement, ça aurait un aspect réconfortant? Oui, tout à fait. Donc, généralement, quand on a besoin de réconfort, on va davantage être tenté par des aliments denses en calories, des aliments sucrés, comme par exemple du chocolat. Oui, comme du dessert. Hein. Dans l'étude, en fait, il y a 66 % des repas des condamnés à mort qui étaient accompagnés de plus d'un dessert, donc surtout de la tarte, de la crème glacée et du gâteau. Puis, il y a aussi 17 % des repas qui renfermaient au moins une source de chocolat, comme des brownies ou des biscuits. Et c'est d'ailleurs reconnu hein, dans d'autres publications scientifiques, le chocolat, c'est un aliment convoité lorsqu'on est exposé à des situations stressantes. Donc, d'ailleurs, le fait que les condamnés demandent des marques précises d'aliments aussi, ça pourrait aussi être lié aux besoins de réconfort qu'on espère combler par des aliments qui nous sont familiers. Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis là, on parle aussi de stress. Est-ce qu'on peut faire des liens avec notre environnement alimentaire aussi, où il y a une abondance d'aliments et puis où on vit aussi dans une société stressée? Oui, ben, c'est intéressant parce que c'est un lien que les auteurs font parce que d'une part, notre environnement semble contribuer au gain de poids et à l'obésité, notamment par l'abondance d'aliments, la grande disponibilité. Ouais. Puis d'autre part, ben, y a plusieurs personnes qui rapportent, vivent avec un niveau de stress assez élevé. Donc, peut-être il y a les deux qui sont présents, de façon concomitante un petit peu dans la société, le stress et cette abondance d'aliments riches. Donc, c'est deux choses qui concourent finalement à nous faire manger. Ce serait intéressant de voir aussi la distinction entre, là, je vous ai présenté un stress un stress aigu, en fait, lorsqu'on sait qu'on va mourir, mais, par exemple, une personne qui a un stress chronique à peu près quotidien, est-ce que, là, vraiment, ça a un impact aussi? Donc, ça, on ne sait pas, mais de façon générale, avec un stress, les gens ont tendance à surconsommer. Et puis aussi, donc, de ce que je retiens, c'est que le chocolat aussi, c'est quelque chose qu'on recherche. Donc, quand je vais avoir une envie de chocolat, je vais peut-être me poser des questions sur est-ce que je suis stressée ou... Merci beaucoup, Karine. Finalement, c'est très, très insolite comme sujet. Oui, mais la prochaine fois, je vous promets de revenir avec un sujet plus amusant. On n'est pas obligé d'attendre le mois du rire pour ça. Merci beaucoup, Karine. À bientôt, merci. Alors maintenant, on passe en pause musicale sur CKRL au 89.1 et on enchaîne ensuite sur la médecine légale.